Puis selon vous, vos enfants sont-ils en sécurité à l'école? Allez voter sur fm93.com. 7h35, j'ai la nouvelle devant moi. CNN. Aux États-Unis, Obama vient d'accorder 45 millions de dollars pour des gardiens de sécurité armés dans les écoles. Ça a fait l'objet d'un gros débat là-bas, suite notamment à la tuerie de Newtown et autres. Les Américains se sont dit, il faut défendre nos enfants. D'ailleurs, un des arguments qui ont servi à Obama, qu'il ne voulait pas au début, il n'était pas très chaud à l'idée d'avoir des gardiens armés dans les écoles. Ils ont dit à Obama, toi, tes enfants, ils vont-tu à l'école? Il dit oui. Est-ce qu'ils sont accompagnés de gardiens de sécurité? Ça se peut-tu qu'il y ait leur propre garde du corps? Il dit oui. Est-ce qu'ils sont armés? Il dit oui. Et voilà. Alors, si les enfants d'Obama sont en sécurité, est-ce que les enfants de monsieur et madame tout le monde peuvent l'être aussi? Je vous dis pas que c'est l'argument à massue, mais c'est un de ceux qui a fait que Obama, j'ai la nouvelle devant moi, autorise 45 millions des gardiens armés dans les écoles là-bas. Qu'en est-il maintenant de nos écoles ici à Québec? Avant de me répondre, il n'y a pas de tuerie ici, Butch! On a le record mondial, arrêtez ça. Au prorata, là, calculez Assemblée nationale, Polytechnique, Dawson, Concordia, allez-y, là. Vous allez voir qu'au prorata, on bat pas mal tout le monde, selon moi. Alors, il y en a eu ici aussi. Il y a un danger, c'est pas un danger, là, on l'invente pas. On n'a même pas besoin de l'exagérer, là. Il est réel, faut pas capoter, mais il est là. Est-ce qu'à matin, un éventuel tireur fou pourrait rentrer facilement dans les écoles de Québec? C'est ça la question qu'on a voulu se poser. Mettons qu'il y en a un. C'est pas moi, ça, toujours. Non, mais... J'avais peur, là. Mais t'as un peu joué le rôle. Hey, on n'a pas voulu faire capoter le monde avec... Il est pas rentré avec son manteau de cuir noir. Non. Puis un étui de guitare. Là, on n'a pas fait exprès. Bernie, le patrouilleur urbain, s'est déguisé en intrus pour tester la sécurité des écoles de Québec. Bon matin! Salut Sylvain. Et ben évidemment, un adulte a-tu d'affaires dans une école, puis je me suis habillé en adulte, mais pas plus que ça. T'as raison de dire qu'on n'a pas fait par exprès pour faire peur. Donc j'ai mis un t-shirt de Green Day ou des Stones. T'avais l'air d'un gars normal, mais t'avais l'air d'un gars qui a pas d'affaires d'une école aussi, là. Zéro. Dans le sens où, tu sais, je dis tireur fou, ça peut être vendeur de drogue, un intimidateur, un parent qui a pas d'affaires, là, je sais pas, moi. Quelqu'un qui va juste regarder des jeunes. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Pédo, je sais pas, mais on s'entend que nos écoles, non, là, ça doit être un milieu relativement sécurisé. C'est pas la Brinks, c'est pas le Parlement, on est pas fou non plus. Là. C'est ça. On est pas au détecteur de métal, on est pas, mais quand même. C'est pas des prisons, c'est des écoles. Ben non. Mais est-ce que moi j'ai d'affaires là? Non, pas toi, zéro. J'ai pas d'enfants là. Puis je suis un adulte, puis je suis pas membre du personnel. Alors, fait que t'as rentré dans 13 écoles de Québec. Écoutez bien ça, voici les résultats. T'as chronométré, micro caché, tout le kit, voir qu'est-ce que ça donne. C'est du sérieux. Alors, 13 visités, mais j'ai pas rentré partout. Il y a des places où on ne rentre pas. Alors, voyez que ça existe. Voilà. Là. Comme où? Vas-y. Alors, l'Académie Saint-Louis, Saint-Louis de Gonzague, c'est barré. C'est barré. Je considère aussi, c'est barré ou arrêté en moins de 10 secondes, je considère que c'est barré. Okay? Ah, parce que t'as réussi à m'en donner à franchir une porte. La porte est entrouverte, je rentre parce que, puis je faisais toujours attention, évidemment, juste pour que les gens là le sachent. Tu sais, on a fait ça dans les règles pour tous les établissements, c'est à peu près le même contexte. Porte principale. Toujours. Toujours la porte principale, toujours je m'arrangeais pour pas que être en contact avec des jeunes. C'est-à-dire que je m'arrangeais pas pour rentrer en même temps qu'une gang de jeunes pour me T'étais fondre T'étais pas déguisé en livreur normandin. Non. Dans le fond, on a tout fait de se faire pogner. C'est oui, ça que tu dis. Oui. On a, tu t'es pas caché, tu t'es pas camouflé, rien. Non, puis j'espérais me faire prendre. Quand je me faisais prendre, j'étais super content. C'est, hey, oui, allô? Académie Saint-Louis, c'est juste à côté de chez nous. Barré, sinon tu rentres puis te pognes. C'est fini. École Saint-Sacrement, barré. Il y a une caméra, c'est fini. École Saint-Mathieu, barré. École secondaire Vanier, barré. Fourmilière, barré. Marguerite Bourgeois, barré. J'aurais pu en faire plusieurs. Perrault aussi, tu me disais que Perrault aussi, ça se peut-tu? Oh, Perrault, oh, c'est, on la garde pour tantôt. C'est une autre affaire. Excuse-moi. C'est une autre affaire. Là, c'est les barrés. C'est les barrés, ça. Et ce qui est important de dire là-dedans, c'est que je pense que j'aurais pu en faire un paquet de primaires, puis ça aurait été barré à plusieurs endroits. OK? C'est ce que j'ai constaté. Là, toutes les écoles que tu viens de nommer là, ce sont toutes des écoles primaires. Primaires, sauf l'école secondaire Vanier, qui est barrée d'emblée. Ça, c'est pour situer les gens sur Amel. Oui. Donc, je poursuis mon aventure et puis tantôt, tiens, je vais l'aborder. Tu parles de Perrault. Sur le chemin Sainte-Foy, on me dit que d'habitude, c'est barré. Mais là, on était en train de changer le système. Je vais les croire sur parole. Et au moment où je suis rentré, ben, il y a des caméras dans plusieurs des écoles. C'est le cas de Perrault. Et j'ai une caméra d'en face en rentrant. Et je te dirais que ça prend quelques minutes. Ça prend 5 minutes avant qu'on m'intercepte. C'est le gars de la sécurité qui vient me voir. Et il me dit, t'es qui? Pourquoi t'es là? et il m'explique, et puis là, après ça, on jase, évidemment. Okay. Je m'identifie toujours, hein, instantanément. Oh, regarde, on testait, puis c'est beau. Dès que je suis interpellé, bon, je suis du FM 93, on fait un test et tout ça, et là, je jase avec lui, puis là, il me dit, regarde, puis là, il me montre le système. Puis effectivement, je constate que d'habitude, l'école Perrault, donc si on est en bas de quartier sur le chemin Sainte-Foy, si on continue quartier tout droit, on fonce dans l'école Perrault. Oui, faites pas ça, c'est où? C'est plate. Mais il y a une caméra, il y a un système de sécurité, donc on a décidé de commencer avec ça, parce que je vous l'ai dit, tantôt, vous allez pogner de quoi, il y a des passoires, mais je commence avec ça pour pas que les gens disent tantôt, ben là, c'est impossible, Butch, là, de sécuriser les écoles, ça coûterait trop cher, c'est plein d'écoles à Québec qui sont sécuritaires, barrées, surveillées, caméras ou agents de sécurité, ça existe, sans exagérer, tu l'as vécu. Par exemple, l'école Boudreau à Vanier, une école où il y a toutes sortes de clientèles, souvent une clientèle en difficulté, l'école Boudreau, donc, 3 minutes. Ça, il n'y a pas de secrétariat à porter. Tu sais, je veux dire, honnêtement, j'aurais pu me promener un maudit bout, là. Mais heureusement, il y a un membre du personnel qui m'aborde, très sympathique, le monsieur. Il dit, qu'est-ce que vous faites là? Puis je pense que c'est un peu un hasard, mais eux aussi sont en révision de système de sécurité. Ce qu'il me disait pour l'école Boudreau, ça a pris 3 minutes. Mais même si c'est un hasard, il t'a vu, puis il t'a posé la question. Voilà. Moi, je trouve ça important. Oui, ben oui. Et ça, ce réflexe-là, ça me fascinait comment tout le monde l'avait pas. C'est sûr que c'est pas écrit dans ma face, je fais un test, je suis fucké, je suis bizarre. Mais je mesure 6 pieds. J'ai une tête de plus que la majorité du monde, des élèves. Puis j'ai pas d'affaires là. Fait que je comprends pas que le réflexe vienne pas. T'as pas l'air d'un ado de 14 ans, là. Sans rentrer dans les détails, là, pantoute. Là, t'as l'air de ton âge. Ben, bon, on a mis la photo de Bernie pour de quoi il avait l'air sur Bouchard en parle sur Facebook. Fait que vous allez voir qu'on n'a pas essayé. Bon, là, c'est le temps, c'est qu'on a prouvé. Bon. Puis bravo à ces gens-là. Là, maintenant, il faut vous parler des dangers. Les écoles passoires, porte de grange de Québec. Allons-y, tiens, avec De Rochebelle. C'est l'école où j'ai passé mon secondaire. Alors, je suis allé. D'emblée, je me dis, ah, tiens, je vais y aller. Puis je vais. Puis c'est gros, De Rochebelle. Tu sais, je me disais, ça peut être difficile. Alors, il y a le pavillon Marie-Victorin. Où sont les grands? Donc, les 4-5 et tout ça. Il y a l'école internationale, mais c'est très, très grand. Alors, je rentre par la porte principale et au bout de 5 minutes, j'ai soif. Fait que j'arrête, je bois de l'eau. Et à un moment donné, je pars, je fais des allers-retours devant le secrétariat. Et encore une fois, j'en fais 6 allers-retours devant le secrétariat. Personne ne m'interpelle. Ça va très, très bien. Il y a personne qui remarque que j'ai pas d'affaires là. Puis là, je passe, je siffle. Allô? Et puis, c'est tranquille. Alors, je vais aller me promener dans les étages. Fait que là, je vais me promener dans les étages. Je vais dans la grande salle. Je me promène, je fais le grand tour. Pas d'interception, encore une fois. Et je décide d'aller vers les autres pavillons. Et alors, ça, c'est au moment, je précise, là. Tu fais pas ça au moment où il y a plein de jeunes dans les couloirs, là. Parce que là, c'est sûr que ça devient un peu plus difficile, mais il y a du monde. Les tueries, etc., ça se fait tout le temps quand les gens sont en classe. Autant Polytechnique, Newton, on le sait un peu comment ça marche. À De Rochebelle, tu t'es promené pendant combien de temps librement sans que personne vienne te voir? Il est 14h10 lundi, je me promène pendant 12 minutes. Et c'est en me rendant au pavillon où sont les jeunes, les secondaires 1, le pavillon Gilles Vigneault. Je me rends là et dans le couloir, rapidement, du côté des jeunes, j'ai l'impression qu'on était plus sécuritaire, on m'intercepte. Bonjour. Bonjour, je cherche rien du tout, monsieur. Vous êtes où? Vous êtes qui? Je suis un reporter pour FM 93. Ah, OK. Alors, à partir donc, ça, du moment... ça, c'est correct, là. Oui. Mais ça a pris 12 minutes. En passant à la tuerie de Newtown qui a fait 27 morts. Ouais, 27 morts. En bas de 20 minutes. Voilà. Il a fallu que je... Là, je sais qu'il y en a qui vont trouver que j'exagère, mais c'est des faits, là. Ouais. En bas de 20 minutes, il y a eu 27 morts. Ça veut dire que hier, si tu avais été un individu mal intentionné, ce que tu n'étais pas, tu aurais pu faire un massacre à De Rochebelle. Excusez, là, il y a aucun doute. Bernie Backlash, je te pose la question. Si t'avais eu un gun caché sous toi. Ben, j'aimerais mieux m'éloigner du gun, personnellement. Mais non, je sais, mais c'est ça la réponse. Ouais, ben, mettons que j'aurais eu des mauvaises intentions. Peu importe lesquelles, oui, j'aurais pu, éviter plus facilement. Tu sais, là, j'ai marché dans le grand corridor. Je me suis dit, il va me voir de loin. Il y a des caméras, il y a un agent, il y a quelqu'un devant le secrétariat, anyway, ou quelqu'un va le vanner. C'est qui, lui? Allô? Quelqu'un? Tu sais, alors, effectivement, moi, mon but, c'est d'être intercepté. Je vous le dis, là. Mais ça prend quand même 12 minutes. Et oui, j'avais hâte. Je commençais à avoir hâte. Marie-Victorin, dans le pavillon, je pense que si j'étais resté là, j'aurais pu faire un bout. En changeant de pavillon, on m'intercepte. C'est ce que vous avez entendu. Ensuite, on poursuit l'aventure. Cette fois, on s'en va au collège Stanislas. On est juste ici, sur le chemin Sainte-Foy, un petit peu plus loin. C'est du primaire, ça. Il y a du primaire. Et du secondaire. Exactement. Alors, là, j'y vais à la fin. Donc, c'est le début de l'après-midi. Et je me rends au collège Stanislas. Là, j'entre facilement. Normalement aussi, je me promène, je reste dans le hall très longtemps. Il y a toujours un hall, je me dis bon, c'est l'endroit que. Puis je venais de voir un petit bout rentrer dans la classe, j'ai dit bon, tu sais, je vais attendre là un petit peu, je veux pas nécessairement me promener dans les corridors avec les gens. Fait que j'attends. Puis et ça prend, attention, mesdames et messieurs, 11 minutes. Hey, c'est long. Il fait 11 minutes. 11 minutes. Au collège Stanislas, sans que personne soit même venu s'informer de t'es qui toi. Comme on a entendu tantôt, mais le gars est arrivé tard, mais il l'a fait. Rien pantoute. Il y a eu un membre du personnel qui est passé devant moi à quelques reprises sans m'intercepter non plus. Alors ça aussi, à un moment donné, c'est le même, puis il me voit à la même place. Il m'a vu au moins 4 fois au même endroit. Il n'a pas eu la curiosité au moins de dire, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'aurais aimé ça qu'il l'ait, cette curiosité-là. Et à un moment donné, ben il y a quelqu'un qui m'intercepte. Bonjour. Cherchez-vous? Non. Okay. Travaillez-vous ici, vous? Oui. OK. Vous? Non. C'est la première fois que je vous vois aujourd'hui, je pense. Oui, c'est la première oui, fois. Okay. En fait, je suis ni un parent, ni un professeur. Mais vous êtes un quelqu'un. Mais je suis pas non plus un membre du personnel. C'est pas rien. Vous êtes quelqu'un. Mais pensez-vous que j'ai l'affaire ici? Ben, si vous faites ce que vous faites là, vous promenez, puis oui. OK. Un moment de silence. Oh boy! Oh! Vous êtes quelqu'un. C'est correct. Hey, là, tu as donné toutes les chances. Le filet désert. Tu as tout donné, là. Elle avait juste à dire, qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous faites là? Rien. Vous êtes quelqu'un. Elle est gentille, la madame. C'est une madame. Elle est gentille. C'est ça. C'est une madame gentille. Sans... Ouais. Madame gentille. Ouais. Mais là. Puis je sens aussi que c'est loin d'être son rôle. Puis tu sais, je veux pas identifier ce qu'elle faisait, là. Moi, je sais ce qu'elle fait, là. Non, mais, on s'entend mais, que c'est pas l'agent de sécurité. C'est ça. Mais si c'est pas son rôle. Mais si tu travailles dans une école, Bernie, ouais. On est en 2013. Ouais. C'est plate, là. Mais les tueries dans les écoles, ça existe. Et nous ne sommes pas à l'abri à Québec. C'est faux de croire ça. Juste, ouais. Mais effectivement, la dame, je pense que peut-être va y penser la prochaine fois. Mais en même temps, ce n'est pas, comme je le rappelle, elle est pas secrétaire, c'est pas elle qui doit s'occuper de la porte, là, de ce que je comprends dans mais son travail là. À travail là. C'est beau. Je pourrais me faire l'avocat du diable là, dans le cas du collège Stanislas. Moi, j'ai parlé avec le directeur de l'école, puis je pourrais te le faire entendre quand on aura fini. On va avoir les réactions. On va avoir les réactions de plusieurs des écoles visées ce matin. On poursuit. Alors, je m'en vais à la poly de Charlebourg. Ouais. C'est grand, c'est très grand. Il y a l'Arpidrome, il y a le Fierbourg, c'est l'école secondaire est là. T'sais, c'est un gros complexe. Alors bon, je voulais essayer d'aller voir ce qui allait se passer là. Évidemment, c'est sûr qu'il y a beaucoup de portes. Puis bon, alors qu'est-ce que je fais? Je prends la porte principale. Tout le évidemment, temps. Tout le temps. Je me faufile pas. Alors, je reste toujours un bout dans le hall. Puis après ça, mais quand je vois que personne réagit, mais je vais me promener dans les corridors. Je vais me promener ces étages. Je vais me promener pas loin des classes, pas loin des casiers. Là, un moment donné, je reviens à mon point de départ. Je me dis, à force de voir un gars revenir toujours à la même place, il y a quelqu'un qui va intervenir. Vous faites votre jeu. Ouais. Eh oui. Ben oui, ben oui. Vous remarquez ça? C'est bon? Travaillez-vous pour l'école, vous? Non. OK, ils travaillent pas pour l'école. Mais eux autres, ils remarquent, c'est des adultes, ce sont des bénévoles qui sont là pour promouvoir un événement qui s'en vient, OK? Alors, eux, ils remarquent qu'il y a un grand disciple qui se promène, qui marche, puis ils me demandent, tu fais-tu ta gymnastique? Mais aucun membre du personnel, aucun agent de sécurité, policier. Hey, je vous répète là, comment on a débuté ça, là. Obama vient de donner 45 millions pour armer les flics dans les écoles aux États-Unis. Ici, là, c'est des gens qui te disent « t'es quelqu'un, t'es gentil, pis tu fais ta gymnastique ». Ouais. Reste qu'on est... Écoute, moi, je comprends que les gens aussi... On est au Québec, là. Je comprends ton point, mais en même temps, j'ai pas l'impression que c'est dans la tête de tout le monde de penser ça. Mais quand on est au Québec, Bernie, c'est pas mieux qu'aux États-Unis, c'est pire. Prends les chiffres de tuerie, nombre de morts au prorata, c'est pas mieux, c'est pire. Faut justement s'enlever ça de la tête. On est au Québec. Je ne crois pas à ça, moi. J'ai hâte de vous entendre là-dessus. Il y a eu un complot déjoué ici à Québec, là. C'est à l'école secondaire Le Sommet, tu sais, qu'il y avait des jeunes qui prévoyaient faire un coup comme ça. Quel bon point. À l'école Le Sommet, les jeunes avaient planifié un massacre. Et à la Camaradière, il y a un gars qui a un couteau qui a réussi à rentrer puis à se promener pendant longtemps. Alors, vous pensez qu'on est à l'abri à Québec, vous êtes dans le champ, là. Autre école, on y va. Juste vous dire que j'ai été intercepté, et ce n'est pas les gens de la gymnastique qui m'ont intercepté à la police Charlebourg au bout de 10 minutes, ce sont des gens de sécurité, vraiment. Bonjour. Non, je marche. Vous êtes étudiant ici à Charlebourg? Pas du tout. Ah, j'ai pas d'affaires ici. Non. Exactement. Bravo. Combien de temps? C'est 10 minutes. Bravo, mais 10 minutes. Bon, c'est ça. Ensuite, l'école La Camaradière. Eux ont déjà été victimes. Eux, je m'attends à ce que ça soit la sécurité la plus formidable, la plus absolue, parce que v'là quelques mois, un gars qui a un couteau est rentré là, c'est un prof qui a réussi à y parler puis à le raisonner au bout d'un certain temps, mais il se promenait dans la cafétéria partout. Les étudiants l'ont vu, on a fait un show de radio là-dessus. Ouais. Alors, que se passe-t-il à La Camaradière? C'est hermétique, Sylvain. On rentre pas... Tu rames pas? Ah non, t'as dit que je me suis trompé dans mes notes. On se promène partout. C'est pas, il y a pas beaucoup de changements. Je rentre, je ressors. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, parce que c'est très grand aussi La Camaradière, je me suis rendu compte qu'en passant sur le côté, c'était pas la porte principale. Alors, puisque je vous ai dit tantôt que j'étais égal avec tout le monde, je suis rentré, je suis ressorti, puis je me suis promené un bout, puis je suis rentré par la porte principale. Et là, il y a un poste d'accueil, puis c'est écrit accueil, veuillez vous identifier, puis tout ça. J'arrive là, il y a pas un chat. Tu veux bien t'identifier, mais il y a personne pour te recevoir. Sylvain, ça me tentait, là, mais... Alors, ce que j'ai fait, je me suis veillez vous identifier, puis il n'y a pas un choix. Non. Oui, mais tu rentres. Alors, finalement, ben, j'ai continué à me promener pendant 8 minutes. C'est pas la pire, 8 minutes, pour La Camaradière. Et qu'est-ce qui s'est passé après 8 minutes? Un agent de sécurité est venu t'intercepter. Un monsieur qui était en intervention avec un jeune, qui m'a vu passer à quelques reprises, qui, à un moment donné, a levé la main. J'ai l'impression que si on parle du même monsieur de l'autre événement, d'ailleurs. Et ce monsieur-là est intervenu assez rapidement. Mais c'est un peu un hasard pareil, mais en tout cas, c'est pas un agent. Si tu comprends bien, là, des agents de sécurité qui doivent intercepter... Non, mais dans tes 13 écoles, là, des agents de sécurité, il n'y en a pas eu beaucoup. OK. Donc là, c'est un gars de l'école qui a fait sa job. Quand tu travailles dans une école, tu vois quelqu'un qui circule de même, là. J'ai compris. Secondaire ou primaire. On s'entend. C'est pas un cégep pour aller à l'université, là. Secondaire ou primaire, il y a un gars qui a pas d'affaires là. Faut au moins que tu t'informes. Ça a pris 8 minutes, mais ça a été le cas. Alors ça, c'est pour La Camaradière. Allons à la pire, finalement. Au numéro un des écoles qui m'ont laissé me promener longtemps. Les Compagnons de quartier. C'est où ça? Ça, c'est ben proche du ministère du Revenu. Oui. OK? Grosse école à Sainte-Foy. Et là, écoute, je rentre. Il y a des caméras partout. Ça sent la sécurité. C'est bon, ça. Puis je vous dirais aussi que dans la majorité des écoles secondaires, il y avait un écriteau à l'entrée qui disait « Veuillez vous identifier au secrétariat si vous êtes un visiteur. » Je comprends ce point-là, mais quelqu'un qui vient avec des mauvaises intentions, il n'ira pas s'identifier au secrétariat. Fait que pas un minimum de surveillance. La caméra est très claire. On me prend en photo, en vidéo. Je suis là, je fais des babayes en caméra, mais finalement, il se passe rien. Alors, je me promène, je m'en vais 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois devant le secrétariat. Il y a une dame là, mais elle a un écran d'en face. Elle me voit pas. Elle peut pas me voir. Fait que là, je vais lui donner une chance. J'essaye par la fenêtre, là, je marche, puis j'ai vraiment l'air bizarre, là. Fait que là, mais il se passe rien. Fait que je vais aller me promener dans les corridors. Je me promène. Je reviens à mon point d'origine. J'en passe 1, 2, 3, 4 fois. À un moment donné, je suis tanné. Je me suis tanné, Sylvain. Là, j'ai pas rien que ça à faire. J'en ai d'autres écoles à faire. Je me suis tanné. Mais les caméras! Est-ce que les caméras t'ont vu? Oui, ben, c'est qu'à un moment donné, j'en ai ri. Fait que j'ai dit, je vais danser. Fait que là, j'ai dansé devant les caméras. Je dansais! Fait que là, j'ai dit, bon, en dansant, c'est sûr que je suis pas menaçant, mais en dansant, je me dis, je vais attirer toujours bien l'attention. Il y a quelqu'un qui va dire, c'est qui le cave qui danse? Au bout de 2 minutes, il y a un agent de sécurité, lui, qui regarde les caméras parce que des caméras, ça prend du monde pour les regarder! Voilà. Et au bout de 16 minutes, je me suis tanné, je suis parti. T'as jamais rencontré personne de Compagnons de quartier. 16 minutes, c'est environ le temps du massacre de Newtown. C'est incroyable. On n'apprend pas de nos leçons. On est surconfiant. Ça, là, t'imagines-tu, évidemment qu'on se le souhaite pas, là. Tu sais, si jamais il arrive de quoi à Québec, là, on va poser des questions. Y avait-tu de la sécurité? Puis comment ça se fait que? Puis bon. On a posé ces questions-là aux responsables. Je me tourne vers Andréanne tout de suite. Merci beaucoup, Bernie. S'il y a des gens qui ont des commentaires, je vous invite à les faire au 670-9330, 670-9330, ou encore studio à commercial, fm93.com. Est-ce que vous pensez que vos enfants, nos enfants, sont en sécurité dans les écoles de Québec?